Kamu bende bende na mebo gera tumbo bizi bia chopa ke chopege. Wenge di dia ke bu na ko mono si. Tu ba ya ko geo. Soyez tous salués, quel que soit l'endroit où vous trouvez. Ce qui m'amène ce jour pour pouvoir vous maintenir pour quelques instants, c'est de vous parler d'un phénomène qui est très récurrent. Les gens en parlent beaucoup dans les réseaux sociaux et j'ai été personnellement contacté à plus d'une centaine de personnes me posant la même question, quel était mon point de vue sur ce phénomène. Ce phénomène, je vais le classifier en trois termes. C'est le phénomène communément appelé faire manger ou déverser des excréments ou les selles sur d'autres individus. Il y a aussi ceux qui prennent plaisir à consommer leurs propres excréments. Il y a le cas des animaux également qui n'échappent pas à cette règle. Parfois, les animaux consomment leurs propres excréments. Nous avons observé cela dans le comportement, par exemple, de chiens et bien d'autres animaux. Et malheureusement, il y a aussi des humains qui utilisent les excréments d'animaux pour se faire plaisir. Mais ce qui nous interpelle aujourd'hui, c'est beaucoup plus ce phénomène qui a beaucoup fait de bruit et continue à faire de bruit sur les réseaux sociaux. Mon pays d'origine, le Gabon, n'échappe point à cette règle. Mais je vous informe que ce n'est pas des pratiques qui se font simplement au Gabon. Et quand je parle de pratique, c'est-à-dire déverser ses excréments, vulgairement on dit, déverser ses cacas sur le corps, soit de la femme ou de l'homme. Mais souvent, ce sont les hommes qui le font, ou même pisser sur le corps de ces dernières. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a aussi, de par le passé, des gens qui utilisaient ces excréments humains pour pouvoir faire certaines expériences. Aujourd'hui, il existe une science qui étudie cela, et cette science s'appelle la scatologie. Alors, la scatologie, c'est la science qui se charge de l'étude sur les cacas, sur les conséquences, sur les bienfaits que cela ferait. Et moi, en tant qu'initié des grands mystères, je vais beaucoup plus mettre l'accent sur le côté un peu le côté spirituel. Parce que la question qui m'a été posée est la suivante. Est-ce que toutes ces jeunes femmes qui sont victimes de ce genre de pratiques, ô combien nuisibles, nous abondent des pratiques que normalement dans une société consciente, même à l'état primaire, c'est-à-dire quand même le savoir-vivre, on ne devait pas accepter ce genre de choses et que quiconque rentre dans ce genre de pratique devait normalement mériter la prison. Eh bien, le point de vue d'un homme initié, d'un mystique que je suis, je vous le donnerai sans réserve, car effectivement, comme vous le savez, ici, rien n'est tabou. Et ce genre de sujet de société a toujours besoin de réponses, n'est-ce pas? Pour nous qui sommes dans le monde des mystères, dans le monde des arcanes secrètes. Mais avant de rentrer dans ce monde des arcanes secrètes, disais-je, en science, qu'on appelle la science qui étudie ce phénomène, c'est la scatologie. En scatologie, on nous dit qu'il y a plusieurs formes de sel. Et le rôle que jouent ces sels, souvent, d'abord, scientifiquement parlant, les sels, vous savez, ce sont des excréments. Excrément veut dire ce qui sort, qui est extrait de votre estomac, ce qui sort de votre corps. C'est un ensemble de plusieurs éléments qui sortent, n'est-ce pas? Résultant de ce que vous avez consommé, n'est-ce pas? Donc, en un mot, c'est des corps morts qui sortent de votre corps et que cela ne devait pas porter un intérêt quelconque vis-à-vis de ces choses-là. Parce que dans ce cas-là, nous savons très bien, c'est la scatologie qui nous le dit, que les cacas contiennent beaucoup, beaucoup de bactéries pathogènes et que ces bactéries pathogènes sont responsables de beaucoup d'épidémies, responsables de beaucoup de maladies qui peuvent affecter la mère nature, tout comme elles peuvent affecter les êtres vivants. Du côté de la mère nature, ce n'est pas trop grave, car les bénéfices que les sels peuvent faire au niveau de la mère nature, eh bien, ça peut contribuer également à ce qu'on appelle des engrais naturels. Au point de vue des sels, par exemple, des animaux, il y a des gens qui utilisent les cacas d'éléphants et de bœufs, des vaches, pour en utiliser comme engrais pour leur agriculture. Ça, nous le savons. Et même, malheureusement, certaines personnes dépravées, ayant perdu les sens et des valeurs morales et éthiques même de la société, se sont vues ici l'audace de pouvoir rentrer en possession de ces excréments d'animaux pour mettre à l'intérieur de leur vagin. Et ça s'est passé au Nigeria. On a attrapé quelques jeunes filles qui prenaient plaisir de prendre les selles des vaches ou des taureaux pour pouvoir les mettre dans leur vagin. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elles expérimentaient. Eh bien, d'après les personnes qui ont interrogé les jeunes filles, disaient qu'elles éprouvaient un certain plaisir et surtout d'attirer les hommes. Donc cela était à but fétichiste, c'est-à-dire que les femmes nigérianes prenaient ces excréments de vaches et de bœufs, les mettant dans leur vagin, ça permettait donc d'attirer des hommes. Donc en scatologie, je le répète encore, pour ne pas être logique, on nous apprend que les selles qui sortent de notre corps contiennent beaucoup, beaucoup, beaucoup de bactéries pathogènes. Et ces bactéries pathogènes sont donc responsables de la transmission des épidémies qui sont dangereuses pour notre santé. Voyez-vous, ça c'est le grand danger du point de vue scientifique. En Grèce, puisque les gens pensent que ça date d'aujourd'hui, je vous dis, c'est une vieille pratique. En Grèce, par contre, ils avaient une science qui consistait, donc, il y avait des artistes qui dessinaient certains arts. Et ces arts devenaient tellement beaux à voir, mais les gens ne réalisaient pas que ce qu'ils utilisaient comme élément pour faire ces beaux dessins d'art, c'était justement des excréments. Et on a appelé ça la scatographie. Donc, la scatographie, c'est la science qui consiste à écrire avec la merde, écrire avec les cacas, dessiner avec les cacas. Ça, ça existe depuis la nuit des temps. D'accord? Ça, c'est ce que l'histoire nous enseigne. De nos jours, il existe également un phénomène qu'on appelle la coprophagie, voilà, coprophagie. La coprophagie, ça c'est simple, c'est la personne qui mange ses propres caca. C'est ça c'est cela qu'on appelle la coprophagie. La coprophagie, c'est la personne qui consomme ses propres selles. Bon, là encore, ce n'est pas un comportement normal. Hein, quand on rentre en psychiatrie, là, pour nous qui étudions le comportement de l'homme, quand quelqu'un pratique la coprophagie, c'est un trouble du mental. Parce qu'il n'est pas normal que vous, en tant qu'être normal, vous puissiez consommer ou manger vos propres caca. Malheureusement, il y a des gens qui le font. Bon, c'est aussi récurrent au niveau du monde des bébés. Vous verrez que le bébé, bon, il est inconscient. Il est dans son petit monde. Il y a des moments où ses propres selles, il les met à la bouche. Ça encore, ça va. Hein? Il n'y a pas trop de conséquences graves. Car les selles du bébé, vous savez, ce n'est que du lait. Ça n'a pas toutes les composantes qu'on trouve, par exemple, dans les selles d'un adulte. Mais toujours est-il que la science appelle ce genre de pratique coprophagique, on appelle ça maladie mentale. Toute personne qui consomme ses propres selles, qui consomme ses propres caca, a un problème mental. Et ça, cela est clair. D'accord? C'est une maladie psychiatrique, une aliénation mentale. Pour un homme âgé de plus de 12 ans jusqu'à l'âge adulte, quiconque a 15 ans, 18 ans, 20 ans, jusqu'à un âge avancé, dans cette catégorie des consommateurs des caca, on nous dit que c'est une aliénation mentale. Et j'en ai d'ailleurs observé au niveau de mon hôpital psychiatrique. Nous, dans notre classification, on appelle ça une forme de psychose. We call it the psychotics, those kind of psychotics behavior. Le psychotics, c'est un niveau psychotique, degré auquel, lorsque le malade mental a atteint un niveau de déception, un niveau d'aliénation absolue, elle peut, à un moment donné, se tourner à consommer ses propres selles pour attirer votre attention. Nous avions une malade comme ça, j'ai observée pendant près de 7 ans. Elle avait l'habitude, quand elle exigeait certaines choses, quand elle était dépassée par des événements, elle voulait ce qu'on appelle avoir son attention, you know, just to pay attention. She wanted more attention. It's a part of the, you know, the psychological behavior. So, la personne, donc, voulait souvent l'attention, et pour attirer l'attention des gens, qu'est-ce qu'elle faisait? Eh bien, elle faisait le sel et elle les mettait à sa bouche. Voilà pourquoi nous disons que toute personne, même à l'état normal, qui va consommer ses propres selles, ça c'est des comportements inacceptables, c'est-à-dire que ça c'est une aliénation du comportement de l'homme. On appelle ça donc la folie, l'aliénation mentale, c'est clair et net. Donc, je vous ai amené d'abord dans la scatologie, qui est l'étude de ces comportements, je vous ai amené dans la scatographie, qui est si vous voulez, la pratique qui se faisait depuis la nuit des temps, même en Grèce, les gens utilisaient cela pour écrire des tableaux. De nos jours, il y a des gens qui l'utilisent pour pouvoir le balancer sur le visage des gens. Nous avons eu le cas, par exemple, à Mouila, un pasteur de 52 ans, je ne vais pas citer son nom parce que c'est une histoire qui est bien connue dans la ville de Mouila, au sud du Gabon. Alors, ce monsieur a osé, pour punir ses enfants, je parle de ses propres enfants, pour les punir, il a mis les caca au visage des enfants. Et ça, c'est un pasteur, s'il vous plaît. Je respecte encore l'anonymat, sinon j'ai le nom du monsieur. Son nom a été communiqué et ça a été diffusé dans certains journaux privés au niveau du Gabon. Ce monsieur, donc, a pris les caca. C'est un pasteur, hein, je le signale, pasteur d'une église éveillée. Il prend les caca et il les frotte sur le visage de l'enfant, soi-disant pour punir les enfants. Je dirais à ce pasteur, d'ailleurs, c'est à cause de lui, que je vais maintenant rentrer dans le côté mystique. D'ailleurs, côté mystique. Parce que c'est ce qu'il a fait là. Il connaît, c'est des pratiques sorcières. Je ne veux pas isoler son exemple, je veux le garder. Un autre exemple, ça se passe au Mozambique. Au Mozambique, tout comme dans n'importe quelle université, même ici aux États-Unis, bon, on ne le fait pas avec les cacas. Quand vous êtes un nouvel étudiant, on vous fait ce qu'on appelle l'initiation. Donc, on vous bastonne, on vous rase le crâne, et parfois on vous amène, pour nous autres qui ne prenons pas les alcools, j'ai été forcé, je m'en souviens, à consommer les bières. Et si tu refusais, on te bastonnait. Ça, c'est l'initiation estudiantine. Par contre, au Mozambique, l'initiation se passe autrement. Eh bien, les gens qui sont la plus ancienne, ceux qui sont en quatrième année, cinquième année, ils chient, carrément, ils déposent les selles sur du linge ou sur des papiers et on vient mettre ça au visage des nouveaux étudiants et aux nouvelles étudiantes. Ah oui, on leur pisse même dessus, on cabine sur eux, on fait beaucoup de choses. Ça a attiré l'attention des parents d'élèves au point où le gouvernement mozambicain a été sensibilisé, ça a failli créer un grand scandale dans tout le pays. Donc, beaucoup d'universités ont reçu des notes que nous devons, au niveau du Mozambique, il devait arrêter ce genre de pratique. Là, c'est une forme d'initiation. Ceux qui sont du monde estudiantien ou ceux qui sont passés par les universités, ils savent ce qu'on appelle les initiations au niveau des universités, qui n'ont rien à voir forcément avec les initiations mystico-spirituelles. Dans d'autres pays, nous avons vu sur les réseaux sociaux, on nous parle des jeunes femmes qu'on fait manger des caca, qu'on fait boire même des urines et tout cela. C'est très récurrent au niveau des pays de l'Arabie Saoudite. Bon, ça, également, les femmes qui font cela et les hommes qui les proposent, j'ai appris que... pas seulement j'ai appris, j'ai vérifié l'information. J'ai des amis qui sont là-bas. J'ai des amis gabonais qui sont hommes d'affaires. Et également des sœurs gabonaises qui sont dans le monde de l'immobilier qui m'ont effectivement témoigné cette affaire-là que dans ces pays arabes-là, souvent on propose aux jeunes femmes certaines pratiques bizarres telles que on leur demande de se mettre à genoux, on leur demande de lécher les pieds des hommes, on leur demande, et ça va loin jusqu'à leur faire manger ces selles-là, les excréments, et d'autres même on leur pisse au visage. Les Arabes, vous savez, ce n'est pas tous les Arabes qui sont mauvais, je vous en prie. J'ai des amis arabes, puisque je vous dis, j'ai certains amis des sciences occultes qui sont en Arabie Saoudite, qui font des articles mystiques ou spirituels très puissants. Et donc, on trouve des bons et des mauvais partout. Mais ce qui est sûr, pour la majorité des Arabes, souvent, ils ont cet esprit de racisme. Donc, les femmes qui sont victimes de... qu'on appelle ça comment? De cette coprophagie-là, de ce comportement coprophagique où on dépose les selles sur leur corps. Souvent, les hommes qui vous le font fort, les hommes qui le font, déjà je parle des gens riches au niveau de l'Arabie Saoudite, ils ne le font pas forcément à but mystico-spirituel. Mais souvent, ils le font, c'est juste. Pour le plaisir, ça leur fait plaisir. Voilà pourquoi ils misent de l'argent. Et non seulement un plaisir, mais c'est quand même un plaisir assez bizarre. C'est plutôt j'appellerais ça des vices. C'est leur manière d'exprimer leurs vices. Ils veulent voir les jeunes femmes noires avec cet esprit de haine qu'ils ont, l'esprit de racisme, parce que je vous signale que les Arabes sont les premiers à avoir esclavagisé et les Blancs et les Noirs. Ça, l'histoire est là, les documents sont là. Donc, le fait de déposer donc, ces selles sur les femmes, elles sont contentes, elles moyennant une somme de entre 1 million jusqu'à 5 millions. Bon, il y a certains qui vont jusqu'à 500 millions, pareil. Eh bien, ils le font dans le sens de vous humilier. Que c'est une insulte, en fait, que vous méritez mieux que ça. Vous devez travailler que d'accepter des conneries de ce genre. Et il y a certaines même qui se font prendre par 5, voire 10 hommes sur elles. Et ça se passe dans les pays arabes. Et nous savons lesquels. Là encore, il n'y a pas le côté trop mystique. C'est beaucoup plus l'humiliation. Maintenant, les conséquences sur cette jeune femme, oui, il y a des conséquences graves. Comme vous le savez, au niveau de la scatologie, on nous dit que ces excréments qui sont déposés dans la mère nature, qui contiennent autant de bactéries pathogènes dangereuses pour votre santé, eh bien, à la longue, ces jeunes femmes qui consomment ces choses-là, parce qu'elles veulent 15 millions ou bien 50 millions, eh bien, elles vont en souffrir, elles seront malades. Oui, oui, ça peut, ça va créer des maladies graves à long terme. Elles finiront leur vie très mal. Ça, c'est dans le point de vue pathologique, scientifique, biologique. Du point de vue mystique, effectivement, vous savez que le corps humain a plusieurs corps. Notre corps à plusieurs corps, que ce soit à l'intérieur et à l'extérieur. Et tous ces corps sont, doivent être entraînés, doivent être alimentés, tout comme vous nourrissez votre corps physique de certains aliments. Mais de la nourriture que vous consommez dans votre corps physique, nous devons avoir également d'autres aliments qui allient à la fois pour la nourriture du corps mental, la nourriture du corps éthérique, la nourriture du corps énergétique, la nourriture du corps atmique, du corps astral. Or, lorsqu'on vous fait consommer les cacas, c'est l'expression, pardonnez-moi, nous sommes tous adultes ici, lorsque vous les consommez, ça altère, n'est-ce pas, la connexion de votre esprit avec l'esprit universel. Car si déjà dans le plan physique, on considère que les cacas, c'est quand même des excréments, c'est quand même, comment dirais-je, des bactéries. Et souvenez-vous, j'ai donné un enseignement ici, le rapport entre les microbes et les démons. Voyez-vous, dans le langage mystico-spirituel, on appelle ces bactéries ou ces microbes-là des démons, en quelque sorte, parce qu'ils sont là pour vous nuire à la santé. Mais ces bactéries ont une connexion avec les esprits du bas astral également. Donc, conséquence d'abord pour les femmes qui se font humilier dans les pays arabes, dont ces mecs-là ne sont pas nécessairement, n'ont aucunement l'intention de vous nuire spirituellement. Mais les excréments, les selles en question vont vous nuire tant physiquement par une somme de bactéries pathogènes de toutes formes, de différents microbes, maladies graves, voire mortelles, mais également dans le plan spirituel, ils vous dominent car votre âme, votre esprit va être dominé, votre esprit va perdre certains pouvoirs. Ça, c'est le côté mystico-spirituel, hein, si vous ne le saviez pas. Que vous vendez, on appelle ça vendre votre âme. À un moment donné, vous aurez donc le succès avec tous ces millions que vous aurez dans vos comptes bancaires, vous partez chez vous. J'en connais beaucoup qui ont construit. Mais je vous jure que le reste de votre vie, vous serez maudite. Maudite dans le sens où il va vous être difficile, sauf si vous prenez ces millions et vous allez faire des travaux mystiques, aller voir des experts pour vraiment vous nettoyer. Et le nettoyage peut durer entre 90 à 120 jours, s'il vous plaît. Et c'est un travail intense, il faut déranger beaucoup d'entités, déranger beaucoup de génies, parce que votre corps éthérique est altéré, votre corps spirituel, votre corps divin est atteint, parce que à l'image de Dieu vous avez été créé, ce corps est le temple de Dieu, et que par conséquent, si vous consommez des excréments qui sortent de quelqu'un d'autre, comme vous le savez, les excréments n'ont rien de beau, les excréments ce sont les excréments, ça va dans la nature. Et que si on vous met ça dans votre corps, mais ça va détruire. Ce n'est pas moi qui le dis. Allez-y consulter des spécialistes. Les spécialistes de cette science qui étudie les cacas qu'on appelle les scatologues. Voyez-vous, discutez avec un scatologue. Ici, aux États-Unis, ils sont nombreux. Peut-être qu'en Afrique, ils n'en ont pas. Mais vous n'avez pas besoin d'être scatologue. Allez, justement, même du point de vue scientifique, vous discutez même avec les experts dans la science, ils vous diront, mais c'est pas normal. Sauf, comme je l'ai dit au début de mes propos, les excréments des animaux souvent sont utilisés pour un recyclage en vue de pouvoir apporter des bonnes protéines au niveau de la terre, au niveau de l'agriculture. D'accord ? C'est un recyclage naturel. Mais les cacas de l'homme également, lorsqu'ils sont déversés dans la nature, peuvent aussi contribuer à, qu'on appelle ça, à faire vivre la terre. D'ailleurs, les Chinois, ça c'est un documentaire qui est connu de tout le monde, bien que ce n'est pas une pratique normale, les Chinois, qu'est-ce qu'ils font pour nourrir les carpes qu'ils vous vendent, hein? Les carpes que les Chinois vous vendent, ben rassurez-vous, ils les nourrissent avec les excréments qui sortent des caniveaux et tout, et c'est ça qui nourrit ces carpes-là. Voilà pourquoi les tilapia, on appelle ça le nom scientifique, les tilapia ou la carpe, il faut éviter de consommer ça, ou du moins éviter de consommer la tête de la carpe. Parce que la tête de la tilapia encaisse tous ces poisons-là qui proviennent de ces sels desquels les mecs les nourrissent. Ce n'est pas moi qui l'invente, il y a des vidéos qui sont disponibles. Maintenant, la troisième étape, je vais vous parler des pratiques volontaires par certains compatriotes. Là, je parle du Gabon. Nous avons appris via les réseaux sociaux, les noms ont été diffusés, les photos ont été montrées. Et même dans nos renseignements internes, nous avons vérifié auprès des victimes qui ont témoigné et ça continue à passer. Ici, je salue au passage M. Stephen Zeng et mon fils là, le Bandeko en chef. Ils ont fait un travail énorme et de recherche puisque les victimes sont venues témoigner. Maintenant, je vais m'adresser ici à ces victimes-là. Vous avez été victime des hommes qui vous ont chié dessus, ils vous ont déposé leur excrément, ils vous ont pissé dessus. Ici, ça n'a rien à voir, même s'ils misent leur argent. Première raison, quiconque, tout homme qui vous dépose les selles dessus, quiconque vous crache dessus, quiconque vous pisse dessus, il faut savoir que ça s'appelle la technique de la domination, la technique de l'humiliation, d'accord ? La technique de la destruction de votre âme. Ça, c'est du point de vue mystico-spirituel. Parce que je ne vois aucun plaisir. Aucunement. Il n'y a aucun plaisir, que ce soit pour vous ou pour ce mec. Vous l'acceptez parce qu'il a déposé sur la table des centaines de millions. Mais lui, il sait ce qu'il fait. Et souvent, ce genre de pratiques sont associées à des sectes. Il y a des sectes, c'est-à-dire des sociétés secrètes, magiques, qui, justement, prennent plaisir à faire ce genre de choses. Les entités, donc, égrégoriques, qui commandent ces milieux sectaires pour leur survie et pour leur nourriture. Ils ont besoin de ce genre de pratique, c'est-à-dire chier ou cabiner, comme on le dit chez nous, mettre des cacas et les urines sur le ventre ou sur le visage de la jeune femme ou de la femme. En le faisant donc, il y a une montée d'énergie, une énergie ténébreuse naturellement, qui va nourrir cette entité égrégorique qui entretient, bien sûr, la secte à laquelle l'individu appartient. Ça, c'est un premier aspect très important qu'il faut retenir. Et l'autre deuxième aspect, il faut aussi comprendre que parfois, certains hommes qui le font, ce sont des hommes qui ont des déviations ou des aliénations mentales. Ces personnes ont des déviations mentales, veut dire que c'est des personnes qui ont vécu une jeunesse compliquée. Des personnes qui ont vécu des difficultés, qui ont été victimes des viols. Et pour souvent, certains, ce sont des PD, comme on le dit chez nous. Nous sommes des adultes, hein, rien n'est tabou aussi. YouTube me pardonne, mais en tout cas, mais ça, c'est des réalités. Ce sont des mecs qui ont subi des agressions sexuelles au cours de leur jeunesse, peut-être depuis le jeune âge, au point où ils sont devenus des homosexuels, contre leur volonté. Donc, ces mecs-là, généralement, la plupart, n'ont même pas le courage d'avoir sexe avec une femme. Donc, conséquence, vous savez qu'un homme qui se fait prendre par un autre homme finit par devenir impuissant. Et cela est prouvé scientifiquement. Même s'il y a une forme de libido qu'ils atteignent, mais ils ne peuvent plus pénétrer une femme. Ils prennent beaucoup plus plaisir à se faire prendre. Et donc, les frustrations que ce mec a, le plaisir qu'il a reçu d'un autre homme. Il aimerait lui infliger les mêmes souffrances sur une femme. Donc, c'est souvent des gens qui sont déviés, si vous voulez. Ils ont été déviés ou qui ont eu des aliénations. Et troisième observation, c'est que les personnes qui font ce genre de pratiques, de déverser les selles sur les partenaires, sur les femmes, ce n'est pas seulement au Gabon. En France, on a eu des cas. Hein. Nous avons des témoignages au niveau de la France. Si vous me permettez, je veux essayer de chercher ça. Ou beaucoup de témoignages, même ici aux États-Unis, rassurez-vous. Mais quand je parle des gens qui font ce genre de pratiques, des dépravés mentaux, des dépravés, là, je ne parle pas le côté mystique. Parce que ici en France, je voulais dire, en France, ce n'est pas forcément des mecs qui font ça dans le but mystique. Non, pas du tout. Ou encore ici aux États-Unis, non, pas du tout. Nous avons des cas, des femmes. Par exemple, ici, il y a une femme qui s'est plainte. Là, c'est un cas contraire. Elle dit, son copain lui a exigé de lui donner ses selles. Elle ne sait plus ce qu'il faut faire. J'ai besoin d'aide, s'il vous plaît, parce que mon copain veut que je fasse les selles et lui, il veut les manger. Il a demandé que je passe chez lui. Ça se passe où? À Marseille, en France. Pendant 3 mois, elle a été victime de cela. Nous avons un autre témoignage. Ici, c'est un couple qui vit depuis longtemps aux États-Unis. Et le mec lui exige que... Oui, écoute-moi, il faudrait que tu consommes mes excréments. Il mise sur la table 10 000 dollars, l'équivalent de 5 millions de francs CFA. Il a exigé. Donc, ici, ce genre de comportement, je vous le répète, que ça, c'est une atrophie du cerveau. Ça, c'est des gens, quand on est allé vérifier auprès des spécialistes de... auprès des spécialistes de la scatographie ou encore des scatologies. Les experts de la scatologie, quand on discute avec eux, ils disent ces mecs-là ont un cerveau atrophié. C'est-à-dire qu'ils ont des troubles mentaux. C'est une aliénation. Mais pour le cas de, revenons, le cas en Afrique, que ce soit au Gabon, au Congo, au Cameroun, c'est très fréquent ces pratiques-là. Surtout des hommes d'un certain milieu, c'est-à-dire des hommes d'affaires ou des hommes qui sont membres, je ne sais pas moi, d'État, des hommes d'État. Hein? Mais pas tous, vous savez. Malheureusement, il y a certains qui sont dans ces milieux-là et je peux vous le dire et garantir que ce sont des sectes qui prennent plaisir, n'est-ce pas, à travers les selles qui déposent sur le ventre de la femme, les urines. Et même, ils vont loin jusqu'à cracher sur la dame. Oh, que c'est horrible. En réalité, on devait porter plainte à ce genre d'individus. Vous allez me dire, mais monsieur Nouvier, vous êtes, comment dirais-je, un initié des grands mystères. Mais quelle est cette pratique magique qui va amener quelqu'un à ce point? Mais oui, il y a, vous savez, dans le monde de la spiritualité, c'est une diversité, c'est une, comment dirais-je, Il y a une diversité de différentes pratiques, que ce soit des pratiques de ténèbres ou des pratiques de lumière. Donc, quand vous évoluez, vous allez rencontrer tout cela, les entités de l'au-delà. Mais c'est comme les êtres humains. Si dans le plan terrestre, un être humain, pour lui faire plaisir, il faudrait que vous lui chiez dessus. Un être humain, pour lui donner le plaisir, il aimerait que vous dansiez pour lui. On a vu des cas, ce qu'on appelle le sadomasochisme. Dans le sadomasochisme, on demande de vous attacher les mains, on vous attache les pieds, et le mec vient avec un bâton, il vous le pénètre, ou quoi, je ne sais pas moi, il vous gifle, ou il vous coupe les cheveux pendant qu'il vous fait l'amour, je ne sais pas. Ça fait partie du sadomasochisme. Donc, de là, ça a créé finalement de la dépravation, de l'abus, et ils en ont arrivé là. Ça, c'est dans le comportement humain. Rassurez-vous que, à tout état de conscience égale à tout état de vie, c'est-à-dire que, dans le monde de la matière, il y a le monde de reflet. Tout ce que les humains font sur Terre, rassurez-vous, c'est fait dans le plan des reflets, dans le monde des reflets. Donc, il y a des entités, effectivement, qui prennent plaisir. Et pour pouvoir les nourrir, il faut faire ce genre de pratique-là. Et comme je le disais, ce sont, la plupart des temps, des mecs qui sont dans cette secte. Ils peuvent être dans une loge. Mais si dans cette loge, on tolère ce genre de pratique, hein, eh bien, que voulez-vous? Donc, cette entité égrégorique de cette loge ou de cette société secrète, elle est tout à fait, comment dirais-je, elle se nourrit justement de ces énergies qui l'échange de ce genre de pratiques-là. Bien sûr, de quelles pratiques je condamne, parce que ce n'est pas des choses qu'il faut faire sur des êtres humains, d'accord? Il y a des choses qu'il faut éviter de faire. Mais malheureusement, on n'est pas là pour juger qui que ce soit. La vie, c'est un choix. Je viens ici non pas pour venir condamner quelqu'un ou venir le juger. Ça, c'est une affaire entre Dieu et l'individu qui se lance dans ce genre de pratique. Mais puisque la question m'a été posée, qu'est-ce que moi je pense? Ben, je n'ai rien à penser. Je vous dis tout simplement qu'en tant qu'initié des grands mystères, comment on appelle la coprophagie, ou encore, comme vous le voulez, la scatographie ou la scatologie, on n'est passé par tout cela. Ce phénomène de consommer les selles de quelqu'un, c'est inadmissible, ça. C'est inadmissible. Et qu'il y a deux aspects. Il y a ceux qui le font pour humilier, comme le cas de nos frères qui sont en Arabie Saoudite, et d'autres le font dans des pratiques sorcières. Sûrement, vous avez entendu des témoignages. Et la plupart de ces femmes-là, elles deviennent stériles, elles deviennent des calboignées, elles deviennent, même si elles ont les millions, mais à un moment donné, finissent par se suicider parce qu'elles vont finalement avoir ce qu'on appelle des troubles mentaux. Voilà justement. Le trouble mental résulte de la somme des traumatismes, la somme des comportements humains inacceptables qui vous ont été infligés. Et que vous voyez seulement le gain. Vous voyez seulement le gain. Mais même si vous, à un moment donné, vous allez vous retrouver toute seule. Vous avez fait toute cette vie, vous avez reçu autant de millions, des centaines de millions, vous avez construit des châteaux, mais les hommes ont des traces de tout cela. Les hommes auront peur de vous approcher. Et vous verrez même qu'un homme normal qui va vouloir vous aimer, rien. À moins que vous fassiez purifier, et que vous, je ne sais pas moi, que vous fétichiez. Mais souvent, ces femmes-là, moi j'ai vu le cas de certaines qui ont fini par se suicider. J'ai connu une maman comme ça, au niveau du Cameroun, elle a fini par se suicider et pourtant elle a laissé les châteaux. Elle faisait des pratiques, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais consommer les selles de main de l'homme faisait partie de tout cela. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Je vous ai amené en Égypte, je voulais dire en Grèce, les gens le faisaient. Puisqu'ils avaient des artistes là qui faisaient de la scatographie. Et cette scatographie consistait à faire quoi? Mais ils faisaient le dessin avec les cacas. Que ce soit les cacas des animaux ou des humains. Il fait dessiner avec ça. Et vous êtes là, vous admirez, waouh, quel beau tableau, alors que le tableau a été fait à base de cela. Donc, les gens ont toujours manipulé les excréments des hommes, les excréments des animaux. Les hommes ont toujours manipulé ça dans le but de pouvoir créer quelque chose qui puisse attirer l'attention des gens, puisque la preuve en est que ces tableaux coûtaient des millions. Ça coûte jusqu'à aujourd'hui des tableaux qui sont exposés, qui coûtent des millions. Et vous allez là bêtement acheter un tableau qui est fait à base de caca. Mais le tableau qui est fait à base de caca, quelle inspiration ça va vous donner? Ce sont des forces du mal, ce sont des forces du bas astral qui sont derrière ce genre de conneries. Donc, mesdames et messieurs, sans porter un jugement quelconque, je vous ai ici donc brièvement amené d'abord dans la science et ensuite vous amener des exemples qui peuvent être vérifiés. Moi, je vous dis le cas de Mouila, le monsieur vit. J'espère que les parents, nos habitants de Mouila quand même devaient prendre des actions. Mais comme ce sont ses propres enfants, les enfants se sont plaints, les gens ont observé, comment tu vas aller mettre les caca sur le corps des enfants? Donc, lui, le pasteur, il sait, c'est une pratique sorcière. S'il ne le savait pas, faites-lui écouter ma vidéo là, faites-lui suivre ça, que c'est une pratique sorcière. Et qu'en tant qu'homme de Dieu, on ne peut pas, conformément au livre de Lévitique, conformément au livre, oui, le livre de Lévitique qui nous parle de comment un homme qui adore Dieu doit vivre au quotidien, des pratiques qu'il doit éviter. C'est le livre d'Oxède, le livre de Lévitique. Maintenant, dans le livre de Nombre, c'est vrai que ça parle d'un nombrement des peuples d'Israël, mais on parlait des attributions de chaque tribu, de chaque peuple. Qu'est-ce qu'il devait faire? Quel est le rôle par rapport à l'adoration du grand créateur de l'univers? Maintenant, vous êtes un homme de Dieu, vous êtes un pasteur, vous allez jusqu'à prendre les extrêmes. C'est inacceptable. Maintenant, nos frères et sœurs qui sont dans des pratiques nuisibles quelconques, qui appartiennent à certaines égrégores dites sectaires, bon, C'est des choix qu'ils font, c'est des contrats qu'ils signent. Moi, vais-je les condamner? Moi, je ne peux pas. Mais il y a une justice qui existe. Cette justice va s'appliquer aux victimes parce que vous ne pouvez pas aller contre la volonté. Alors, aujourd'hui, maintenant, on parle de ça dans les réseaux sociaux. Mais qui ne nous dit pas, avant que cette affaire d'Internet ne vienne, peut-être qu'il y a des femmes qui le faisaient, mais elles étaient consentantes. Et puis aujourd'hui, quand on voit beaucoup de nos mamans qui se confient en nous, vraiment ma vie est carboignée, vraiment je ne comprends pas. Mais elles ne sont pas honnêtes, c'est maintenant dans nos lectures des arcanes secrètes, on découvre qu'elles étaient impliquées dans des pratiques bizarres. Donc, mes sœurs, s'il vous plaît, même si la pauvreté a frappé à votre porte, vous avez été créés à l'image de Dieu. Dieu vous a créé pour vivre heureuse, non pas pour vivre comme cela. Cherchez d'autres voies et moyens pour pouvoir s'en sortir de la vie. Vous pouvez le faire. Avec 5 000, avec 10 000, vous avez des parents, même si vous êtes orpheline. Frappez, on vous ouvrira. Matthieu 7, 7, pour ceux qui sont chrétiens, dit quoi? Demandez et vous recevrez. Et ce qui est intéressant, même, c'est même moi qui exagère, parce que ce passage dit bien que demandez et vous avez. Il ne dit pas et vous aurez. Demandez et vous avez. Ça, c'est une phrase qui montre à juste titre que Dieu est là avec vous. Vous n'avez pas besoin de lui demander. Il est là. Donc, dès que vous pensez, normalement vous l'aurez. Mais soyez simplement patient, travaillez dur, et ce travail dur consiste pour vous à faire un travail d'abord de purification de votre âme. Donc, purifiez-vous, confessez-vous, disons ouvertement parlez à Dieu. Et ceux qui vous ont créé du tort, ou bien ceux à qui vous avez créé du tort, demandez leur pardon, appelez un coup de fil, « Écoute, j'appelle pour m'excuser, je ne sais pas, je t'ai fait du mal, du tort. » Et ça s'adresse également aux hommes qui font ce genre de pratiques-là. Parce que je vous informe que les millions-là, vous allez les laisser bientôt. Et je vous dis, en vérité, toute personne qui a été impliquée dans ces pratiques, y compris le pasteur de Mouila, y compris mes frères qui sont dans certaines sectes, ils ne vivront pas plus de 5 ans. Retenez-le, ils ne vivront pas plus de 5 ans. Dieu seul sait même s'ils atteindront encore 3 ans de vie à partir de 2022. C'est moi qui vous le dis. Ce n'est pas moi. Ce sont ces entités-là qui m'informent. Parce que tous ceux qui ont été impliqués dans ce genre de choses, souvent, ils n'ont pas vécu longtemps. Et surtout lorsque tout le monde est scandalisé. Lorsque nous avons près de la moitié de la population gabonaise qui a suivi de loin et de près, toutes ces choses dont nos petites sœurs, nos filles, nos femmes, nos mères ont subi de la part de certains monstres. Je vous rassure, tous ces monstres-là, vous ne verrez pas la vie dans les 3 ans ou 5 ans qui suivent. Je suis désolé de vous le dire. Parce que quand on pactise avec le diable, quand on pactise avec les forces du bas astral, on finit toujours très mal. Et quand je dis ceci, je n'ai pas indiqué ou cité le nom de quelqu'un nommément. Mais ceux qui se reconnaissent, ne m'en voulez pas. Hein? Ne m'en voulez pas, mais ce sont des connaissances mystico-spirituelles que vous pouvez avoir accès. Je vous conseillerais, par exemple, de lire certains ouvrages. Vous allez sur Amazon, cherchez « Pratiques sorcières nuisibles ». Vous verrez la liste. Conséquences de la pratique de la les conséquences de la pratique de scatographie. Vous cherchez. Conséquences de la pratique de faire manger ces caca ou ces selles extrêmement à quelqu'un d'autre. Conséquences. Faites des recherches. Vous verrez vous-même. Je vous donne des références. Nous, c'est comme ça que nous faisons quand on vient vous enseigner. On ne vient pas raconter n'importe quoi. On fait des recherches. Donc, vous verrez. Moi, je ne veux pas rester là à vous donner la liste. Je suis venu juste pour venir vous parler en quelques minutes, mais faites des recherches. Là, je m'adresse à ceux qui pratiquent ce genre de choses. Rassurez-vous, quel que soit l'égrégore que vous adorez, même le diable, si c'est même le diable que vous adorez là, parce que ça n'a rien à voir avec Dieu. Hein? Ça n'a rien à voir avec Dieu. Dieu ne vous demande pas de l'adorer en passant par ce genre de pratique. D'accord? Vos frustrations, là je m'adresse aux hommes par exemple, qui ont fini par devenir gauches, qui, comme le dit quelqu'un, qui se font wester. Mais ce n'est pas pour vous une occasion de se venger sur ces jeunes femmes et de leur faire subir ce genre de torture. Parce que, rassurez-vous, toute personne qui vous crée du tort, que vous faites souffrir, eh bien, rassurez-vous, il y a la loi du karma. C'est tout ce que j'avais à vous dire, donc que Tétamonga vous bénisse, et nous allons clôturer ici, toujours par mon beau générique. Et d'ici là, portez-vous bien. J'espère que je n'ai pas offensé qui que ce soit dans mes propos et que dans la vie, il faut faire très, très, très attention sur la voie à laquelle vous vous engagez, parce que cette voie à laquelle vous vous engagez peut vous être préjudiciable, peut vous créer du tort, peut vous créer des ennuis. Et surtout, par exemple, ce pasteur de l'église éveillée qui se trouve à Mouilé. Battery, 100%. Noise Galaxy No205G, connected. Est-ce que ce pasteur-là qui est à Mouilé, là, savait-il que moi, Mouréon, j'étais au courant qu'il a fait frotter les cacas sur le corps de ses enfants pour les punir? Mais ça commençait comment? Hein? Un autre aspect que j'oublie de vous dire, il y a également le phénomène du sperme. Vous savez, il y a des hommes qui forcent les femmes à consommer leur sperme. Là encore, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Contrôlez un peu vos fantasmes. Contrôlez un peu vos ébats. Hein? Ça ne se force pas. L'amour est un acte spontané. Voyez-vous, je ne veux pas être ici votre professeur non plus, mais c'est des choses que vous pouvez vérifier par l'expérience, je l'ai appris. Partant de lorsque vous sortez de votre véhicule, vous ouvrez la porte de la maison et c'est même madame qui vous attend, qui ouvre la porte, qui vous enlève la veste, qui vous fait ceci, cela. C'est spontané. Si les enfants sont déjà grands, ils sont chez eux, et que madame vous met à l'aise au salon, à la cuisine, pendant qu'elle est en train de préparer, vous la prenez, vous faites ce que vous voulez pour la mettre à l'aise, pour créer une harmonie, créer cet échange chimique entre vous. C'est spontané. Ça ne devait pas être des trucs où il faut forcer. En amour, on ne force pas. Hein? L'acte sexuel est un acte spontané, s'il vous plaît. Donc, là encore, nous avons vu des cas, bon, ça fera l'objet de notre enseignement, des gens qui forcent à leur partenaire de consommer leur sperme. Et j'ai même vu des hommes qui forcent la femme d'uriner sur sa bouche. Des femmes qui forcent l'homme de pouvoir encaisser son urine sur son corps. Donc, toutes ces histoires-là, qui sont considérées comme des sujets tabous, parfois, je ne viens pas vouloir en parler, mais c'est des choses que je connais. Je préférerais qu'on en parle dans mes forums là-bas, parce que je ne veux pas que YouTube, ici, là, vienne dire, ah, le type, là, il vient dire des choses. Mais c'est malheureusement le cas. Donc, il y a des hommes qui vous forcent de consommer leur excrément, qui vous forcent de consommer leur urine, et même leur sperme. Voyez-vous, le sperme, oui, c'est vrai que ça a des avantages thérapeutiques sur la femme, même sur l'homme. Vous pouvez guérir des acnés, vous pouvez avoir certaines vitamines, et même, on dit que la femme qui reçoit constamment du sperme, ou qui peut le consommer de manière mutuelle, de manière d'un plaisir instantané, ça peut apporter des changements sur, comment dirais-je, sur sa peau, sur sa santé. Voilà. Mais forcer, non, vous ne pouvez pas forcer, s'il vous plaît. Merci. En tout cas, je ne voulais pas rentrer dans ces détails-là. Portez-vous bien, que Tete Mwanga vous bénisse. Et nous allons clôturer, comme d'habitude, par cette belle chanson. Merci encore. Merci. Oh, you're not going to do that. Merci beaucoup. Merci.